précédemment dans la République de Platon. Ce n'est pas pour du tout excuser Platon, mais il faut rappeler que la pratique de la sélection, l'exposition des enfants, était monnaie courante dans l'Antiquité. C'est des choses que l'on faisait. Oui, mais Platon pense à la justice. Il veut une cité juste, il nous propose une cité où on tue les nouveau-nés. Ah, mais parce que pour lui, il n'y a pas de droit. La question des droits des enfants ou des droits de l'homme, c'est une question qui ne se pose absolument pas. La République de Platon, saison 2, épisode 1. À quoi servent les philosophes ? À quoi servent les philosophes ? Rassurez-vous, ça ne sert à rien. Si c'est pour servir à quelque chose, ça, en effet, ça ne sert à rien. Parce que la philosophie n'est pas un ustensile. Une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc. Une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir ? À penser ? Donc, ça sert pas plus à penser que les mathématiques, que l'algèbre, par exemple, n'est-ce pas? Et puis, servir est un mot déplaisant, qui n'est pas philosophique lui-même. Donc, vraiment, ça sert à rien. Bonjour Monique Dixio. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie au lycée, à l'université Paris 1. Vous êtes considéré par tous les platoniciens que je connais comme la spécialiste de Platon. En France, en tout cas. Donc, je suis ravie de vous recevoir à ce micro pour cette deuxième série d'émissions autour de la République de Platon. Non pas autour, sur. Nous lisons chaque jour un des livres de la République de Platon. C'était le cas la semaine dernière jusqu'au livre 5. Nous commençons avec le livre 6, même si on va dire quelques mots de la fin du livre 5 que nous n'avons pas eu le temps d'aborder jeudi dernier. Une question que pose ce livre, qui est la même question d'ailleurs posée par Bernard Pivot à Vladimir Jankélévitch, à quoi servent les philosophes ? À quoi sert la philosophie ? Jankélévitch répond, à rien, parce que le terme servir n'est pas celui qu'il faut employer lorsqu'on cherche à définir la philosophie. Il me semble que Platon apporte une réponse un peu différente dans ce livre 6 de la République. Oui. Si on entend servir à être un instrument qui aura un résultat avantageux, effectivement, la philosophie ne sert à rien. Sauf à procurer du plaisir à ceux qui en font. Bon, c'est déjà quelque chose. Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe ? Et c'est ça la question qui est posée depuis la fin du livre 5. Jusqu'au livre 7, en fait, mais déjà explicitement tout au long du livre 6. Bon. Philosophe, c'est pas un mot que Platon a inventé, philosophie non plus, c'est des mots qui existaient avant lui. On a quelques textes qui le prouvent. Mais il leur a donné un sens complètement différent. Il leur a donné ce que nous appellerions un sens philosophique, justement. Et ce sens, il l'a inventé. Et qu'est-ce qui se passe ? Depuis la fin de ce livre 5 jusqu'au livre 6, c'est que Platon invente le philosophe. Philosophe avant lui, oui, ça existait, c'était un mot de la langue, mais c'était un adjectif. On est philosophe. D'ailleurs, ça continue à être un adjectif pour nous aussi, dont il faut toujours se méfier, parce que j'avoue, j'ai du mal à supporter, je veux dire, quand j'entends quelqu'un dire « je suis philosophe ». Non, c'est pas un prédicat philosophe, c'est pas un adjectif, c'est pas une propriété. C'est une nature, va nous dire Platon, tout au long du livre 6. Donc vous, c'est une manière d'être, c'est un sujet. Vous ne vous présentez pas comme philosophe, vous, Monique Dixon ? Jamais. Jamais, évidemment, jamais. Ce serait une grande prétention. Bon, non. Ça voudrait dire que je suis exactement comme Platon décrit le philosophe. Ça, c'est pas possible. Je n'ai jamais. Si, c'est possible, à condition de comprendre ce que ça implique, d'exigence, de monomanie d'une certaine façon, de difficulté, de solitude aussi pour penser. Il faut être un peu seul, enfin, etc. Bon, d'effort. D'efforts pour comprendre. C'est comme ça qu'il va le définir, le philosophe. À la fin du livre 5 et début du livre 6, c'est la même définition. Celui qui cherche à comprendre ce que chaque chose, aussi humble soit-elle. Et Platon nous parle de navettes, de bouts de crasse dans notre livre. De micro. Aussi humble ou aussi magnifiquement transcendante que le bien dont il va nous parler. Mais cela n'empêche pas de se demander chaque fois ce que cette chose est en elle-même, en vérité. Bon. Par conséquent, philosophe ne peut pas, et c'est ça le tournant de la République, c'est ce qui se fait à ce moment-là de la République, où philosophe ne peut plus être une propriété, ne peut plus être un adjectif. C'est un sujet, c'est une nature différente. Mais différente en quel sens? Pas parce qu'elle a plus de possibilités, de capacités, c'est pour ça que la traduction par capacité, je vais l'éliminer, elle a pas plus de capacité, elle a une puissance différente. Capacité, puissance, c'est pas le même chose. Mot, c'est ça qui a été traduit par Pierre Pachet, dont nous utilisons la traduction toute cette semaine. Par capacité, vous dites non, c'est plutôt puissance. Non. Quel est le mot grec? Dynamis. Bon, donc c'est quelqu'un qui... Le philosophe est un sujet, ça ne peut être mis qu'au sujet. Seulement, ça, c'est exactement ce que Platon invente à ce moment de la République. Il l'a déjà un peu inventé dans le Phédon. Précisément, il a été question il n'y a pas longtemps ici. C'est-à-dire que c'est la première fois, enfin, peu importe la chronologie, mais disons que dans une chronologie qu'on peut accepter sans trop de difficultés, le Phédon serait le premier dialogue où le mot philosophe devient substantif. Le philosophe, les philosophes, il y a l'article. Le Phédon est un dialogue de Platon qui met en scène la mort de Socrate. Exactement. Comme par hasard. Bon. Donc, là, on a un philosophe qui va être sujet et qui va d'abord s'édifier par quoi? Parce que quand donc, Platon l'invente, mais l'invente, alors cette fois-ci, tout au long du livre 5 à la fin du livre 7, il invente une nature qu'il est nécessaire d'avoir pour une certaine occupation. Autrement dit, il dit, justement, quand je définis des natures, je ne les définis pas dans l'absolu. Je ne dis pas, ah, absolument, celui-là vaut mieux que tel autre. Pardon. Il les définit relativement à des occupations. Alors, quelle est l'occupation que doit avoir un philosophe? Eh bien, la philosophie, tout simplement, évidemment. Oui, bon, mais alors, c'est-à-dire quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Bon, alors, quand on définit le philosophe, évidemment, on définit aussi son occupation, c'est-à-dire ce que, entre autres, elle n'est pas que ça, mais c'est l'occupation du philosophe, il définit la philosophie. Alors, la philosophie, ça va demander deux choses. D'une part, non pas un désir, un appétit, comme quand on désire voir aussi bien de la nourriture, bien sûr, etc., des boissons, mais que des belles choses. Il va être question de l'amateur de spectacle, celui qui désire toujours, enfin, il veut rien rater. Celui-là, il veut aller à toutes les manifestations culturelles, pas rater un concert, pas rater une exposition, etc. Bon, on en connaît tous. Bon, il y a l'amateur de spectacle. Évidemment, il est différent du philosophe. Alors, pourquoi est-ce qu'il est différent du philosophe? Parce que le philosophe a une passion. Passion, je traduis comme ça, éros. Éros, c'est l'amour, mais c'est un amour toujours exclusif. Pour un grec. C'est-à-dire que l'intensité d'Eros, par rapport à l'appétit, l'épithumia ou des choses comme ça, l'intensité d'Eros fait qu'il y a une économie des désirs. Plus on a un désir fort et plus les autres faiblissent. Et Eros a le désir le plus fort. Et par conséquent, tous les autres appétits cèdent. C'est-à-dire que quand on a une passion pour quelque chose, justement, on a pratiquement plus d'appétit pour de la nourriture, du vin, de l'argent, des honneurs, etc. Bon, on préfère absolument quelque chose. Donc alors, le philosophe est un être passionné par La vérité. La vérité. Par la vérité, voilà. Et il va être dit au début du livre 6, la vérité mène le cœur de ses vertus et de ses qualités. C'est-à-dire qu'il va faire, si vous voulez, l'inventaire des vertus et des qualités du philosophe. Il dit, à chaque fois, il ne faut pas oublier que ses vertus et ses qualités sont en quelque sorte déduites de sa passion pour la vérité. Bon. Autrement dit, c'est pas la tempérance en général, le courage. Il fait pas le portrait d'un homme idéal, si vous voulez. C'est toute la question. Vous l'avez dit vous-même. Est-ce que le philosophe tel qu'il est décrit par Platon, cet amoureux de la vérité, existe véritablement ou est-ce une sorte d'idéal régulateur vers lequel nous pouvons éventuellement tendre lorsqu'on étudie la philosophie? Je ne sais pas, mais est-ce que vous me poseriez la même question à propos d'un peintre, musicien? Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas une passion? Qu'un grand musicien, c'est pas celui qui a une passion pour la musique. Oui, mais un musicien à qui je dis « est-ce que je peux vous présenter comme musicien ?» dit oui. Un peintre dit « oui, je suis peintre ». Je vous demande « est-ce que je peux vous présenter comme philosophe ?» Vous dites « ah non ». Non, mais parce c'est donc que bien je ne dis écart. Pas qu'il n'y a pas de philosophe. Mais je dis que moi, comparé à... Mais vous à en connaissez Descartes, etc. Il en existe non. alors Ah, vous n'en connaissez pas. Voilà. Non, mais c'est tout. J'ai la même passion qu'eux. Mais justement... Est-ce que j'ai la même capacité d'invention? Parce que on va y arriver, si vous voulez. Simplement, je voudrais juste ajouter quelque chose. Là, pourquoi est-ce que c'est un tournant, la fin du livre 5? Parce que Platon repart d'une différence qui est essentielle dans tous ses dialogues, hein, depuis du premier jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. La différence entre opinion et savoir. Le philosophe, c'est celui qui possède un savoir. Bon, les autres hommes, la plupart des hommes, car gardés autour de nous, pensent plutôt par opinion. Et même la liberté d'exprimer ses opinions est devenue synonyme de liberté. Je suis pas sûr que ce soit un tel progrès. Enfin, mais, d'accord. On y reviendra peut-être. Bon. Alors, quelle est la différence entre eux, ce savoir dont le philosophe se prévaut, il a un savoir... Enfin, il sait chercher la vérité, c'est parce qu'il sait posséder la vérité, mais il sait la chercher, il sait comment la chercher. Bon, il sait ce qu'il le minimum requis pour arriver à la découvrir. Et il sait surtout que philosopher, c'est être capable de découvrir et d'inventer plus que ce qu'on vous avait appris. Autrement dit, le découvrir des vérités qui étaient restées voilées ou inconnues. Bon. Alors, le problème, c'est que la distinction entre l'invention, l'opinion, pardon, oui. et le savoir, c'est une distinction qu'on, je sais pas, qui est devenue banale. On voit pas très bien l'intérêt de si elle est. Elle n'est pas banale du tout. Pourquoi? Parce qu'elle pose un problème dont n'importe quel sophiste peut se délecter, hein, comme quand un dimanche dit à Socrate, arrête d'avancer tes pions pour me bloquer la discussion. Très facile de bloquer la discussion dans ce cas-là. Parce que qui fait la différence entre l'opinion et le savoir? L'opinion ou le savoir? Oui, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, Monique Dixot, avant de continuer à avancer, c'est d'écouter un texte dans lequel les sophistes vont être définis. Parce que pour définir ce qu'est un philosophe, il faut qu'on comprenne ce qu'est un sophiste. Puisque bien dans sûr. La logique de Platon... pour le dire de manière assez caricaturale, enfin d'ailleurs c'est pas caricatural, c'est le cas, si la connaissance est du côté de la philosophie, l'opinion serait du côté des sophistes. Qu'est-ce qu'un sophiste? Voici donc le portrait, on y reconnaît beaucoup de personnes. Chacun des individus voués à la recherche d'une rétribution, que ces gens nomment des sophistes, et dont ils pensent qu'ils exercent un art concurrent du leur, n'enseigne en fait rien d'autre que ces opinions de la masse, celle qu'elle soutient lorsqu'elle se rassemble, et c'est cela que le sophiste nomme savoir. C'est exactement comme si on apprenait à connaître les emportements et les désirs d'un grand et fort animal qu'on élèverait. De quelle façon il faut s'approcher de lui, et de quelle façon le toucher, en quelle occasion il devient le plus difficile ou le plus gentil, et à la suite de quoi. Et qu'ayant appris à connaître tout cela, à force d'être avec lui, et d'y consacrer du temps, on l'appelait savoir, on l'organisait en système pour en faire un art, et on se mettait à l'enseigner, alors qu'en vérité on ne saurait rien de ce qui, dans ses avis et ses désirs, est beau ou laid, bon ou mauvais, juste ou injuste, mais qu'on se mettait à donner des noms à tout cela en fonction des opinions du grand animal, appelant bon ce dont il se réjouirait et mauvais ce dont il souffrirait. Un tel homme, dès lors, par Zeus, Ne serait-il pas un étrange éducateur, à ton avis ? France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. À quoi servent les philosophes ? C'est la question du jour soulevée par Platon dans le livre 6 de la République que nous lisons aujourd'hui en compagnie de la philosophe Monique Dixo. Il y aura une réponse à cette question, mais d'abord il faut définir ce qu'est un philosophe. Et d'abord, pour définir ce qu'est un philosophe, il faut le définir ce que n'est pas un philosophe. Chez Platon, c'est le sophiste. Vous venez d'entendre le portrait du sophiste, des sophistes, lu par Bernard Gabay. Si je comprends bien ce texte, Monique Dixo, le sophiste serait celui qui emploie un discours pour flatter les opinions de la masse. C'est ainsi que Platon l'écrit. Il appelle cela le savoir, mais ça n'est pas vraiment le savoir. Il est en clair incapable de définir ce qui est beau ou laid, bon ou mauvais, juste ou injuste. Quand le philosophe donc, j'imagine, serait celui qui au contraire peut proposer une définition de ce qu'est le beau ou le juste dans l'utilisation de son discours, n'est-ce pas ? Bon, le sophiste, c'est le maître de l'opinion. Il sait parler. Bon. C'est quelqu'un qui sait parler. Autrement dit, les opinions du gros animal dont il est c'est question... C'est comme ça qu'il appelle, le gros animal, la sophiste. La majorité des gens, justement, eux ne savent pas toujours très bien comment le formuler, donc on peut les attaquer assez facilement, etc. C'est pas si difficile et réfuter. Donc, des discussions entre opinion et opinion, bon, on en a tous les jours, tous les matins, ça fait des beaux spectacles d'ailleurs. Bon, l'élection présidentielle va être un régal de ce point de vue-là. Bon, alors, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est ça le problème, c'est toujours ça le problème. C'est que, vous dites, le philosophe va proposer des définitions. Non, c'est pas ça qu'il veut le philosophe. Il veut comprendre, apprendre. Ce que c'est. Comprendre et apprendre ce que c'est pas forcément arriver à une définition. Ça, c'est la définition mathématique, justement, du savoir. Bon. Et s'il n'y a pas de définition en mathématiques, il n'y a pas de savoir mathématique, hein, c'est clair. Bon. C'est pas du tout le cas en philosophie. Quand vous lisez un philosophe, vous n'attendez pas à avoir une liste de définitions, hein, je crois pas. Qu'est-ce que vous attendez? À quoi vous attendez-vous? Ouais, à voir question. Le mouvement d'une pensée qui cherche et qui découvre. Parce que si elle cherche seulement, c'est un peu lassant, sans jamais rien découvrir, qui découvre et invente. Parce que chez Platon, c'est très ambigu. Est-ce qu'elle découvre ou est-ce qu'elle invente ? Les deux. Hein. Elle découvre quelque chose, mais découvre quelque chose, c'est, si vous découvrez une chose, c'est qu'elle existait auparavant. Hein. Bon. Est-ce que la philosophie découvre ce qui existait auparavant ? Mais auparavant... C'est un temps qui n'est pas celui de la pensée, le temps de l'avant, pendant, après. Pour Platon et pour, je crois, quiconque pense, la pensée se meut dans un autre mode de temporalité. Hein ? Elle avance, elle recule, elle se souvient, elle oublie, elle réinvente. Bon. Donc, je crois que, si vous voulez, le problème de ce livre, de ces livres, c'est justement le problème de la différence. Bon. Alors, je reviens à ce que je disais. Qui va définir, enfin, qui va pouvoir préciser la différence entre opinion et savoir ? Ni l'opinion, puisqu'elle se croit savoir, bon, ni le savoir, parce que s'il disait qu'il est différent de l'opinion, ce serait qu'il ait une opinion sur l'opinion. Bon, donc, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que fait Platon à la fin du livre 5 ? Et c'est pour ça que c'est un tournant, non seulement capital dans la République, mais un tournant si capital, une révolution telle dans la pensée de Platon, qu'elle est généralement passée sous silence. Pourquoi ? Parce que on m'a enseigné, on a dû vous enseigner, on continue à enseigner à tout le monde, que Platon est un dualisme. Il y a le sensible d'un côté, l'intelligible de l'autre. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Et c'est une expression qui est quelquefois même que le traducteur évite alors qu'il édulcore d'une autre façon pour pas traduire ce qui est écrit en grec. Bon, il invente un troisième genre d'étang, qui ne sont ni des choses sensibles, ni des idées. Hein. C'est toujours à ça qu'on réduit le platonisme. Oui, bah, le corps d'un côté, l'esprit ou l'âme de l'autre. Ce qui est accessible par le corps, et ce qui d'autre part n'est accessible que par l'intelligence. Quelle intelligence ? Il invente un troisième genre d'être, genos tononton, un troisième genre d'étang au pluriel, hein, de choses qui sont, les puissances, les dynamis. Donc vous voulez dire que Platon n'est pas dualiste ? Il est trialiste, mais il suffit de lire le texte, enfin je veux dire. Mais c'est tellement, ça paraît tellement justement invraisemblable, que ou bien le texte est contourné, ou bien il est oublié, ou bien il est passé sous silence. Enfin, en tout cas, il a fait ça a commencé. Je pense qu'il y a des gens qui ont contribué. On a commencé quand même à faire attention à ce texte et à se demander la fonction de cette notion de puissance dans la philosophie de Platon. D'autant que dans un des derniers dialogues de Platon, le sophiste, comment est-ce qu'il définit l'être lui-même comme une puissance ? L'être est une puissance d'agir et de pâtir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça veut dire que, justement, si vous voulez saisir une arriver à formuler, expliquer une différence, il faut que la définir. Eh bien, il faudra, si vous voulez éviter le cercle opinion-savoir dont je parlais tout à l'heure, il faut les considérer, c'est ce que fait Platon à la fin du livre 5, comme deux puissances différentes. Or, il ajoute, dans une puissance, je ne considère que deux choses, ce sur quoi elle agit, et ce dont elle est capable de pâtir, ce qu'elle est capable de subir. Prenons l'homme, par exemple. L'homme est capable d'agir sur une quantité d'objets sensibles, mais il est aussi capable, c'est ce qu'il différencie d'un cheval, d'une marmite, enfin, ce que vous voulez, il est capable de pâtir de réalités qui ne sont pas sensibles, ce que probablement aucun animal ne peut faire. Donc ce qui le rend humain, c'est sa puissance de subir, c'est-à-dire d'être affecté par des idées et de se demander ce qu'elles sont, et d'essayer de comprendre et d'apprendre. Voilà. C'est ce qu'on trouve dans l'éthique de Spinoza. Si vous voulez, exactement. Mais évidemment, j'ai toujours dit que c'était proche. Bon, donc voilà, la notion de puissance va du même coup commander la différence entre l'opinion et le savoir. Bon, pourquoi ? Il vous explique pourquoi. L'opinion, elle n'est pas ignorante. Comment ça, elle n'est pas ignorante ? Puisqu'elle ne sait pas, selon Platon, elle devrait être ignorante. Non, elle n'est pas ignorante puisqu'elle croit savoir. Bon. La pire forme d'ignorance pour Socrate, alors c'est dans ses premiers mots, si vous voulez, c'est pas ne pas savoir, c'est croire qu'on sait quand on ne sait pas. Bon, ça, au moins, c'est très bien connu. Donc, la véritable différence de l'opinion, c'est qu'elle est intermédiaire entre cette forme d'ignorance et le savoir. Bon. Elle peut même être vraie, l'opinion. L'exemple bien connu, c'est à la fin d'un dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, où Socrate parle d'opinion vraie. Il dit si je demande quelle est la bonne route pour aller à Larissa, et si on me donne un renseignement qui me permettra d'arriver à Larissa, l'opinion qu'on m'a transmise était vraie. Bon, si vous vous demandez comment faire une recette de cuisine et qu'on vous explique comment, justement, on vous aura donné une opinion vraie sur le bœuf bourguignon. C'est pas vraiment une opinion pour le coup, c'est plutôt factuel. Non, c'est de l'opinion. En quoi est-ce un savoir ? Ça n'est pas véritablement un savoir puisque vous ne pouvez jamais en donner raison. Bah, si vous me demandez l'itinéraire pour aller au métro Passy depuis la maison de la radio, votre opinion, je vous dirai, ce sera pas une opinion. Mais si. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous allez me dire, pour aller de chez moi à la maison de la radio, il faut prendre tel chemin. Il y a 50 ans, c'était probablement... Là, je sais pas, d'accord, donc l'opinion, c'est tout ce qui n'est pas vrai de toute éternité. C'est ce qui change. C'est ça. C'est pas ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui est de toute éternité, vrai d'une autre... autrement vrai chaque fois. C'est ça. Bon. C'est-à-dire ce qui, une opinion, c'est, par définition, ce dont on peut changer. Alors, il y a plein de choses qui vous forment à changer d'opinion. Bon. Donc, quelles sont les choses qui ne changent pas? Et d'autre part, si vous pouvez changer, c'est qu'elle n'est pas bien stable, c'est qu'elle n'est pas bien ancrée dans un savoir. Donc, quelles sont les choses qui ne changent pas? Qu'est-ce qui appartient au savoir? Il y en a très peu. C'est quoi les vérités? Les idées, c'est tout. Les idées, selon Platon, c'est quoi? Les vérités? Alors, les idées, non. Les idées ne sont pas des vérités. Non. Les idées sont des réalités. À chaque fois, il emploie le mot réalité. Sont des réalités intelligibles. Elles ont un certain pouvoir. Elles ont une puissance. Elles se définissent par leur puissance. Qu'est-ce qu'elles sont? Alors, on dit, elles sont intelligibles. Non. Intelligible, là encore, n'est pas une propriété de l'idée. Il n'y a pas une chose qui s'appelle idée qui, en plus, serait intelligible ou pourrait être autrement. Les idées, ce sont des intelligibles. Ce sont des réalités qui sont, par essence, essentiellement intelligibles. C'est-à-dire qui en appellent à votre intelligence et à aucune autre chose, aucune faculté en vous, si vous voulez parler de faculté. Et c'est aussi ceux qui sont capables de rendre certaines choses sensibles, compréhensibles, en leur donnant un nom. Une idée, chez Platon, c'est ce qui donne son nom à la chose, c'est dont la chose tire son nom. Mm-hmm. Si vous voulez, si je dis ceci est, je veux dire ceci est un livre, si je ne dis pas que c'est un livre, je ne vous informerai pas. Autrement dit, il faut que ce que je perçois des signes noirs sur des pages blanches, ce que je perçois, il faut que je lui donne un nom pour que ce soit compréhensible par moi et par vous. Bon, ces noms, ils viennent de notre langue. En français, je vais vous dire, c'est un livre. En parsi ou en chinois, je vous dirai un autre mot. Ça reviendra au même. Autrement dit, le nom vous donne une certaine connaissent, identifient la chose et la rangent dans une certaine catégorie que vous pouvez comprendre. Bon. Qu'est-ce qui donne son nom à la chose? Bien, si je dis c'est un livre, je peux toujours me demander, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un livre? Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça doit être? Est-ce que c'est juste un bloc de papier? Est-ce que ça ne doit pas me faire comprendre quelque chose? Est-ce que ça ne doit pas me raconter quelque chose? Enfin, etc. Bon. C'est un moyen de transmission. Bon. Chez les Grecs, les livres, ça se déroulait. Ça n'avait pas exactement la même réalité, etc. La même existence, si j'ose dire. Bon. Donc, une fois que la différence entre l'opinion et le savoir est une différence concernant les objets sur lesquels les deux portent. L'opinion ne porte que sur des choses en devenir, changeantes, multiples, variables. Le savoir porte sur des réalités que le philosophe commence par poser chaque fois qu'il pose une question. C'est-à-dire chaque fois qu'il cherche la vérité de quelque chose. Si vous vous demandez, qu'est-ce que la justice? Mais c'est quand même l'objet de la République. Voilà. Qu'est-ce que la justice? La République de Platon. C'est une idée. Bon. Alors, dire c'est une idée. Bon, d'accord, c'est une idée, mais ce n'est pas une idée abstraite et générale, comme on dit. Elle n'est pas extraite des choses justes. Au contraire, c'est elle qui permet d'appeler juste, d'appeler vraiment juste. Voilà. On n'a pas déduit des choses, mais au contraire. Et vraiment juste les choses qui sont justes. Bon. Donc, une idée, c'est ce que le philosophe pose au départ, comme l'objet qu'il va interroger tout au long. Il le pose comme un objet qui ne va pas bouger au fur et à mesure qu'il s'interroge sur lui. Donc, il le pose comme un objet immuable, invariable, bon, et toujours même que lui-même. Parce que s'il se met là aussi à différer de lui-même, on n'en sortira pas. Bon, ça s'appelle une idée pour Platon. D'accord ? Donc, le savoir porte sur des idées. Dans la belle phrase du livre 6, en ne passant que par des idées pour arriver à des, en partant d'idées pour arriver à des idées, etc. Bon, voilà. Ça, c'est ce que Platon appelle la science par excellence. D'accord? Mais je veux dire, bon, à partir de là, si on a la différence d'objet entre deux puissances, il faut aussi savoir ce qu'elle effectue, cette puissance. C'est la définition de la puissance. Ces objets, ce qu'elle fait, quel effet elle peut avoir. Le savoir agit sur des objets intelligibles et me fait comprendre quelque chose en vérité. L'opinion agit sur des objets fluctuants, sensibles, et me permet de communiquer, d'agir sur les autres, mais pas de comprendre ni d'apprendre. Alors, Monique Dixo, le livre 6 dont nous parlons ce matin et que nous avons à peine commencé à lire, hein, puisqu'on a, on est parti de la fin du livre 5, est un des livres... J'ai déjà parlé en fait du livre 6. Voilà, c'est ça, mais c'est un des livres, c'est vraiment, un des, c'est, vous le dites, c'est un tournant dans la République, un tournant ontologique avec cette distinction opinion-connaissance. On commence à esquisser ce qu'est un philosophe, sa fonction, sa définition. Adimante, un des interlocuteurs de Socrate, va intervenir en disant « Mais si le philosophe est celui-ci qui est passionné par la vérité, pourquoi est-il considéré comme dangereux ? Pourquoi est-il considéré comme inutile ?» Et là, il faut qu'on avance, il faut qu'on commence à répondre à ces questions, Monique Dixo. Parce que, quand même, là, une des réponses de Platon à la question « À quoi servent les philosophes ?» c'est quand même, je ne sais pas si c'est à ça qu'ils servent, mais ils ont une fonction qui est celle de gouverner. On va y venir, on en parlera aussi demain. Mais quand même, d'abord, pourquoi les philosophes sont-ils considérés comme des ennemis ou comme un danger ? Et ensuite, pourquoi est-ce que Platon pense qu'au contraire, il faut qu'ils soient à la place des gouvernants dans la République ? Ça fait quand même beaucoup de questions en peu de temps. Si je peux me permettre, il y a un tournant dialectique, ontologique, vous avez tout à fait raison, dans le livre 6, il y a aussi un autre tournant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le philosophe était celui qui devait garder la bonne constitution, la belle constitution. Le gardien. C'était des gardiens, et c'est celui qui devait, et ce sont eux qui doivent la gouverner. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer au livre 6 ? C'est plus du tout la même question qui se pose. La question c'est, étant donné la grandeur du naturel philosophe, étant donné sa quasi-perfection, si vous voulez, quelle est la constitution politique qui va pouvoir l'empêcher d'être perverti, hein, déjà, c'est la première chose, il peut se pervertir, c'est naturel-là, bon, et qu'est-ce qui va faire que, si vous voulez, il va pouvoir prendre le pouvoir, enfin, je veux dire, quelle est la constitution dans laquelle il va pouvoir exercer le pouvoir. Bon, autrement dit, c'est la politique qui... C'est la convenance entre la politique et le philosophe qui est posée. Et non pas l'inverse. Bon, alors comment il va répondre à cette question-là. D'abord, pourquoi est-ce que le philosophe peut être perverti? Ça, c'est quand même le pire. Comment quelque chose d'aussi bon peut être perverti? Eh bien, à cause justement de sa bonté, de sa grandeur. Tout le monde va l'admirer, lui faire des compliments, etc. Et donc, à ce moment-là, il va se prendre pour je ne sais pas quoi et risque de devenir un tyran. Ça, c'est l'hypothèse de Platon énoncée par Socrate, c'est que ceux qui ont un naturel philosophe, c'est l'expression qu'on trouve dans la République, sont pervertis par l'opinion publique. Oui, parce qu'ils sont tellement admirés qu'ils finissent par s'admirer eux-mêmes, et quand on s'admire soi-même, je veux dire, il n'en résulte rien de bon, je veux dire, la passion pour la vérité, elle en prend un coup. Mais ça veut dire que le philosophe, ou celui qui est doté d'un naturel philosophe, est corruptible? Ah mais comme tous les naturels humains, selon Platon. Seulement, lui, c'est pas corruptible, pas si on pense à de l'argent ou quelque chose comme ça. Il peut être justement... l'admiration peut être un poison. C'est ça qui est intéressant de cette histoire. Je sais pas, c'est pour ça que j'avais dit que je pensais toujours dans ce cas-là à une série télévisée, une série américaine qui s'appelait « À la Maison Blanche », je crois qu'on avait traduit comme ça, où on voit très bien comment ce qui s'approche le plus d'un gouvernant philosophe, hein, ouais, c'est-à-dire un président des États-Unis philosophe, entouré de gens qui sont experts, désintéressés, enfin plein de bonnes intentions, et qui ont tous les meilleures intentions du monde, et ils ont des compétences. À la fin du premier mandat, qu'est-ce qui se passe ? C'est que leur passion pour le bien public, hein, qui est une bonne passion à avoir quand on gouverne, cède la place au désir d'être réélu. Alors, pour vous faire plaisir, Monique Dixot, parce que ça fait bien longtemps que vous nous parlez de cette série à la Maison Blanche, à chaque fois que vous venez, on vous propose un extrait. Voici donc Arnold Vinick, le président. Hein. Donc, saison 7, épisode 14, où justement la question se pose de savoir s'il faut dire la vérité au peuple. Sur notre politique énergétique, je veux écouter ce qu'il a à dire. La sécurité de l'emploi ainsi que celle des retraites. Je ne veux pas entrer dans une polémique politicienne après ce qui s'est passé à la centrale nucléaire de San Andreo. Je m'en abstiens. Ça, c'est ce que tu dis. C'était un accident. C'était exactement le genre d'accident que je redoutais quand je me suis opposé à la prolifération des centrales nucléaires au Texas. Il va sûrement esquiver. Je doute que ce soit en regardant Santos faire campagne que nous saurons nous y prendre pour la nôtre. Il n'est plus temps d'observer l'adversaire. C'est l'heure du sprint final. Continuez à bien insister sur les réductions fiscales. La presse ne m'en laisse pas l'occasion. Il s'acharne sur moi avec cet incident nucléaire. Pensez à la presse. Ce n'est pas du tout ma façon d'agir. Je n'ai pas l'habitude d'éviter les questions délicates. Je dis ce que je pense. C'est comme ça que j'ai été élu. Monsieur le sénateur, je n'ai rien contre la sincérité, mais ça ne marche pas dans toutes les situations. Il fait campagne à ma place en Californie. C'est ça le problème. L'incident nucléaire sera très vite de l'histoire ancienne. Je crains que non. Et nous devons faire avec. On ouvre la boîte de Pandore si on aborde le nucléaire. Elle a déjà été ouverte. Grande ouverte. Je dois la refermer. Il est grand temps de répondre à leurs questions. Que ce soit au sein de la campagne ou dans notre parti, ils sont tous persuadés qu'il faut éviter de parler du nucléaire. Essayez d'aborder le thème des énergies nouvelles dans votre prochain discours, les énergies sans risque, en évitant de mentionner le nucléaire. Qu'est-ce que vous voulez ? Avouez que vous vous êtes trompé sur le nucléaire. Le nucléaire est nécessaire, j'en reste persuadé. Le moment est mal choisi pour dire de telles choses. Je devrais convoquer une conférence de presse et répondre aux questions sur l'accident. Vous commettriez une erreur. J'expliquerai le rôle que j'ai joué dans l'implantation de la centrale et comment je vois l'avenir du nucléaire dans le pays. Je vais me rendre à San Andreo et c'est devant la centrale que je donnerai ma conférence. Comment devenir président? Alors, peut-être que Platon répond à cette question en proposant le philosophe comme meilleur candidat à la présidence de sa République, celle qu'il esquisse hein, dans la République, donc le texte qui nous occupe cette semaine. Dans la série À la Maison Blanche, vous avez ici le candidat républicain Arnold Vinick, qui, parce qu'il pense que le nucléaire est nécessaire, se dit « je vais aller le dire à mes électeurs, c'est le nucléaire, c'est la solution ». Ce à quoi ses conseillers lui rétorquent « non, non, c'est pas le bon moment et il faut pas le dire maintenant, il ne faut pas ». Pardon ? Parce qu'il y a eu un accident nucléaire. C'est ça. Et donc, on a ici la confrontation, est-ce que c'est comme ça qu'on peut lire Monique Dixon, entre celui qui désire dire la vérité parce que c'est la vérité, et ceux qui, plus malins sans doute, plus politiques aussi, vont le conseiller de ne pas dire tout de suite, et à ce moment-là, la vérité. Monique Dixon. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant dans le passage qui est vraiment intéressant, dans le passage que vous avez choisi, c'est que justement, c'est le candidat opposé à la réélection donc du président philosophe, si j'ose dire. C'est ça. Qui rencontre ce problème. Or, vous voyez bien que il est question, c'est une question scientifique qu'il pose. Est-ce que vous êtes certaine du savoir des physiciens qui vous garantissent soit que le nucléaire n'est pas dangereux, ce qu'au contraire il est. Est-ce que vous êtes entièrement convaincu par le fait que le vaccin, etc., anti-Covid, est une protection efficace ou pas du tout? Bon, vous voyez bien que ça se discute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pensez pas que vous avez affaire, même si vous ne pensez pas ça, mais c'est quand même ça que vous pensez que ce à quoi vous pensez obscurément peut-être, mais vous pensez que ce à quoi vous avez affaire, ce ne sont pas des sciences, ce ne sont pas à des sciences, mais précisément à des opinions, puisque ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est ça. Bon. Justement, c'est le problème, c'est que le savoir, d'après Platon, puisque c'est une puissance, ne peut avoir que certains objets, des objets parfaitement intelligibles. La médecine, ça les Grecs l'ont su tout de suite, n'est pas une science exacte. Non, c'est, la démonstration est faite, on le réapprend tous les jours, mais enfin bon, ça va, on a compris. Donc, si la philosophie a affaire uniquement à des objets intelligibles, d'autres disciplines l'ont aussi, les mathématiques. Bon, et c'est là qu'on va arriver à la ligne, si vous voulez. Le fameux exemple de la ligne qu'on trouve à la fin du livre 6 de la République de Platon. Si on va à la ligne, on a d'un côté l'opinable, de l'autre côté l'intelligible. Il y a deux sexelles coupées en deux. Donc il faut imaginer une ligne droite. Une ligne droite que vous pouvez imaginer verticale. D'ailleurs, certains préfèrent la voir verticale, d'autres horizontale. L'opinable, ça s'appelle comme ça. Hein, on dit souvent le sensible et l'intelligible. Vous dites l'opinable. Non, justement, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle l'opinable, d'Oxaston, hein, et de l'autre côté, Noéton, ce qui est intelligible. Bon. Alors, dans le pinable, vous avez ce dont on parlait tout à l'heure, les images sensibles qui vous arrivent grâce à vos sens, grâce à votre corps, auxquelles vous donnez des noms. Et à ce moment-là, vous avez une première faculté, parce qu'à chaque espèce d'objet va correspondre à un affect psychique, si vous voulez, intellectuel, des pâtés m'attendent. Hein. C'est pour ça que la notion de puissance commande d'un bout à l'autre. Bon, commande d'un bout à l'autre. Donc, votre première petite section, ça va être ce que Platon appelle, alors je ne sais plus comment Pachet traduit, mais c'est presque impossible à traduire, mais disons la conjecture ou l'imagination. Imagination et illusion, Eikasia. Voilà. Bon, en fait, c'est le fait de supposer ce que vous voyez, que c'est bien cette chose-là que vous voyez, que les formes, les couleurs qui vous arrivent, enfin, toutes les choses, toutes les propriétés sensibles qui vous frappent, viennent d'un original, d'un objet, d'une chose. Bon. Donc, vous supposez là, que c'est cette chose-là que vous avez sous les yeux. Bon. Pas un homme, pas un fantôme, par exemple. Bon. La seconde section, ça, c'est le piège, c'est la catastrophe propre à l'opinion. C'est que l'opinion, comme elle peut être vraie, vous lui faites confiance. C'est la pistis, c'est la confiance. L'opinion que des hommes qui n'ont que des opinions ont de leurs opinions, c'est qu'on peut s'y fier. Bon, même si l'expérience le démentit tous les jours, ça ne fait rien. Bon, on peut se fier. Et si on se fie à l'opinion, à nos opinions, bon, à ce moment-là, ça nous immunise complètement contre quoi ? C'est là que l'analyse de Platon, pour moi, me surprend toujours tellement elle est, je sais pas comment dire, percutante. L'opinion, une opinion, ça s'affirme ou ça se nie. Qu'est-ce que ça ne fait pas ? Ça s'interroge jamais. Autrement dit, elle n'est jamais interrogative. C'est ça, l'opinion, c'est celui qui pense dire la vérité parce qu'il dit ce qu'il pense. Oui, mais c'est surtout celui qui l'affirme sans jamais avoir le moindre doute. C'est ça, c'est l'absence de sur doute. Sur ce qu'il affirme, ou qui nie avec exactement de la même façon, catégorique. L'opinion est catégorique. Elle dit oui, c'est ça ou ça n'est pas ça. Et elle s'oppose à d'autres opinions qui font les mêmes choses. C'est pour ça que la bataille peut durer. Ça s'appelle Twitter aujourd'hui. Exactement. Exactement. Les réseaux sociaux. Bon. Donc, l'opinion, elle a quelque chose, une dimension qui lui manque, la dimension interrogative, puis elle a quelque chose en trop, c'est l'opinion qu'elle a d'elle-même, à savoir qu'on peut s'y fier. C'est pas tellement qu'elle. Le problème, c'est pas qu'elle soit vraie. Oui, bien sûr, elle est vraie, mais enfin, c'est surtout, on peut lui faire confiance, il nous dit ça. S'il nous dit ça, c'est que ça vaut la peine. Enfin bon, tous les discours, vous pouvez pas ouvrir la radio en ce moment sans vous demander est-ce que ça vaut la peine de le croire, celui-là. Bon, donc voilà. Et puis l'intelligible, alors là, c'est là que le gros problème du livre 6, c'est il y a d'une part les deux modes de pensée qui ont des objets immuables, intelligibles, parfaitement intelligibles, etc., mais qui sont abordés de deux façons différentes, qui affectent l'âme, donc par conséquent, de deux manières de penser. L'une, alors Platon ne dit pas que ce sont les mathématiques, il donne simplement deux exemples mathématiques, mais on peut penser qu'effectivement, ça marche. C'est quelque chose comme ça, mais ce n'est peut-être pas seulement les mathématiques. Et l'autre, qui est différente. En quoi ? Les mathématiques, la géométrie par exemple, se sert d'images pour raisonner. Bon, alors, l'image du carré, l'image du triangle, ces images sont, elle les tire des objets de la section précédente, elle prend les objets, il y a des objets circulaires, des objets linéaires, enfin bon, des lignes, tout ce que vous voulez, mais elle fait abstraction de leurs propriétés sensibles, mais bon, et du coup, ces images sont, on peut dire, de bonnes images pour arriver à faire comprendre. Puis on a l'exemple, là encore, célèbre, du petit esclave à qui on fait comprendre ce qu'est l'idée de carré, et pas le carré qu'il voit tracé sur le sable, ou je ne sais où. Bon. Puis la dernière façon de penser, alors celle-là, elle se passe d'images, mais elle se passe aussi des hypothèses que la précédente posait. C'est pas qu'elle ne pose pas d'hypothèse, c'est qu'elle pose des choses. L'hypothèse, ça veut dire poser. Elle pose pour partir quelque chose. L'idée, par exemple. Mmh. Mais elle ne prend pas ce qu'elle pose pour un principe. Donc un principe auquel il ne faut plus toucher. Et c'est ça que font, c'est cela que, pardon, que font les mathématiciens. C'est-à-dire qu'ils prennent, s'ils posent des définitions au départ, ils posent la définition du triangle, par exemple, ou du carré, ou du cercle, comme vous voulez, ils ne la mettent plus dans la géométrie, dans une certaine... Évidemment, maintenant, nous savons qu'il n'y a pas qu'une seule géométrie, mais celle de la géométrie d'Euclide n'est pas devenue fausse pour le temps. Elle suppose un espace, alors qu'il y en a d'autres possibles, donc d'autres géométries possibles. Bon, donc... Donc, pour bien comprendre, cette ligne segmentée, donc l'exemple de la ligne que vous nous avez présentée, Monique Dixot, la dernière partie, qu'on a coutume d'appeler celle des formes intelligibles, c'est là où se situe la philosophie ? Ah ben oui. Mais elle, c'est là où elle se situe proprement dit, mais elle ne peut pas faire l'économie du parcours précédent. C'est ça. Donc, on a été un enfant, donc on est passé par l'opinable. Et puis, pour Platon, ça va être tout l'objet du livre 7, pour arriver à la philosophie, il faut être passé par les sciences mathématiques. Alors, on va entendre un dernier texte ensemble, Monique Dixot, avant justement, puisque demain on parlera du livre 7, de l'allégorie de la caverne, et puis on reprendra les nombreux éléments que vous avez énoncés aujourd'hui. Je vous propose qu'on écoute un texte magnifique, qui est un texte dans lequel Socrate utilise une analogie entre le bien et le soleil, puisque ces deux choses rendent connaissable et vrai, donc visible aussi, ce qu'il y a devant nos yeux. Jusqu'où tient cette analogie entre le soleil et le bien ? Écoutez le texte. N'est-il pas vrai que le soleil n'est certes pas la vue, mais qu'étant la cause de celle-ci, il est vu par la vue elle-même ? Eh bien, considère que c'est lui que j'affirme être le rejeton du bien, que le bien a engendré comme analogue à lui-même. Ce que le bien lui-même, dans le lieu intelligible, est par rapport à l'intelligence et aux choses pensées, le soleil l'est dans le lieu visible par rapport à la vue et aux choses vues. Les yeux, tu sais que lorsqu'on les tourne vers les objets dont la lumière du jour n'atteint plus les couleurs, mais qu'atteignent les lueurs nocturnes, ils s'obscurcissent et paraissent semblables à ceux des aveugles, comme s'il n'y avait pas en eux de vision nette. Mais je crois que lorsque c'est vers les objets que le soleil est clair, il voit clairement et il apparaît que la vision est présente dans ses mêmes yeux. Conçois donc de la même façon ce qui concerne l'âme aussi. À savoir ainsi, lorsque c'est sur ce qu'est clair la vérité et l'être qu'elle se fixe, elle le conçoit, le reconnaît, et il apparaît qu'elle possède de l'intelligence. Mais lorsque c'est sur ce qui est mêlé d'obscurité, ce qui devient et qui se défait, elle n'a que des opinions, et elle s'obscurcit, faisant varier ses opinions d'un côté et de l'autre, et ressemble en revanche à un être dépourvu d'intelligence. Donc ce que ce texte nous dit, Monique Dixot, un texte lu par Bernard Gabet, c'est que l'image du soleil vise à donner une représentation imagée de la puissance du bien relativement à toutes les autres choses. C'est une analogie, donc c'est pas vraiment une image. Une analogie, c'est l'égalité de deux rapports. Ce que A est à B, c'est l'état de A. C'est ça, mais le soleil ici est une image. Enfin, bon, donc c'est vraiment une proportion. Et en ce sens, c'est pas vraiment une image. Mais ce qui est important, je peux aller vite là. Oui, allez-y, parce qu'il nous reste 3 minutes. Crois, c'est que l'analogie entre le bien et le soleil, elle n'est pas absolument... elle peut pas être exacte, puisqu'elle est... Une analogie entre le sensible et quelque chose de complètement sensible, le soleil aussi est un objet sensible, et quelque chose d'absolument intelligible. Bon, la différence, c'est que ce que le soleil est au visible, à la vision, etc., c'est sa lumière. Et la lumière, c'est justement ce qui est absolument nécessaire et ce qu'on ne voit pas. Autrement dit, c'est quelque chose d'invisible qui est nécessaire pour voir. Bon, cette lumière qu'on ne voit pas, elle ne luit pas toujours et toujours de la même façon, et toujours de la même façon dans les mêmes endroits. Autrement dit, c'est quand la lumière est parfaite, ou en tout cas suffisante, qu'on peut distinguer, qu'on peut voir des choses qui sont faites pour être vues. Mmh. Bon, dans la nuit, vous ne les voyez plus. En revanche, c'est quand... Est-ce que c'est quand le bien est là que je peux comprendre ce que j'essaie de comprendre? Alors, qu'est-ce qui sort du bien? L'être vrai, l'être et la vérité. Justement, c'est pour ça que je dis depuis le début, ce que le philosophe cherche, c'est ce que chaque chose est en vérité. Mm-hmm. Donc c'est du bien que ça sort, ça. Le bien engendre l'être vrai, ou la vérité de l'être, ou ce que vous voulez. Bon, être et vérité. Bon. Seulement, est-ce que c'est quand il l'engendre, puis à des moments où il ne l'engendre plus? Bon, évidemment pas. Autrement dit, la différence est fondamentale entre les deux, le soleil et le bien. C'est, l'un, c'est parce que quand le soleil est clair, et l'autre, c'est parce que le bien engendre cette lumière. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je pense, en fait, que je le sache ou non, je le désire. C'est, je suis à l'intérieur d'une manière de penser qui me permet de comprendre ce qu'est le bien. C'est la seule manière de penser, la dialectique, donc la science supérieure de la ligne, hein, les images sont liées. Bon, la pensée dialectique, celle qui interroge et qui répond, donc toujours interroge, hein, bon, et qui ne croit pas qu'elle est vraie, quand, bon, etc., qui n'a pas confiance en elle dès qu'elle a prononcé une phrase, cette manière dialectique de penser est liée dans tout ce passage, tous ces livres de la République, est liée à la dialectique, ce qui est bizarre. Parce que pour le bien, c'est ce que tout le monde désire, et c'est ce que seuls les philosophes comprendraient. Ou... Eh bien, oui. Oui, et pourtant, c'est quand même ce que tous les hommes désirent. C'est pourquoi, pour revenir à on terminera là-dessus, allez-y. D'inutilité du philosophe, c'est pourquoi, après avoir du pique-pendre du grand nombre, du gros animal et de tout ce que vous voulez, Platon dit, mais eux, ils peuvent parfaitement être persuadés par ce que vont leur dire les philosophes. Il y a ceux qui ne le seront jamais, ce sont les sophistes. D'où la nécessité de descendre dans cette caverne de la part du philosophe pour aller libérer les pauvres ignorants que nous sommes tous, tous ceux qui ne sont pas philosophes, et il y en a très peu, hein, si je vous ai bien compris, si j'ai bien compris Platon. Et comment libérer donc les individus qui se trouvent dans cette caverne? Bah, la réponse, ce sera demain, d'ici là. Bah, on se quitte avec le soleil aussi. Le soleil, l'analogie du bien, c'est le soleil de Nina Simone. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. Here comes the sun and Frédéric Worms sur France Culture, le chemin de la philosophie. Il est temps de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment peut-on définir l'image? Il semble très facile au départ dans nos cultures et pour nous tous de définir ce que c'est qu'une image. L'image, c'est très simple, c'est la représentation d'un objet extérieur dont nous avons aussi une connaissance et nous évaluons l'image à partir de cette relation à un objet, qu'elle soit dans notre esprit cette image ou qu'elle soit elle-même un objet, par exemple un tableau ou par exemple une photographie ou une image animée sur un écran qui nous représente un objet extérieur. Et la principale qualité d'une image ou un de ses critères d'évaluation sera alors la ressemblance, la façon dont elle nous produit un effet qu'on peut appeler esthétique ou autre. Mais l'image est-elle seulement cette représentation d'un objet? Est-elle même d'abord cette représentation d'un objet. Est-ce que cette image que nous nous faisons de l'image comme représentation d'un objet n'est pas un trait lui-même culturel et peut-être même quelque chose qui se produit dans une seule des cultures de l'humanité? C'est en tout cas une des thèses qui, évidemment, depuis le début de l'histoire de la philosophie et aujourd'hui, par exemple en anthropologie, sous la plume de Philippe d'Escola, dans son grand livre sur les formes du visible, redevient essentiel. Philippe d'Escola distingue quatre types de rapports au monde, dont un seul, le naturalisme de la modernité occidentale, se définit comme un rapport objectif à la nature. Et dans chaque rapport au monde, l'animisme, par exemple, ou le totémisme, à côté du naturalisme scientifique moderne, dans chaque rapport au monde, qu'il projette des forces du vivant dans les êtres, ou bien qu'il les voit comme des objets, il y a une conception différente de l'image. Et pour Philippe d'Escola, l'image évidente pour nous n'est que la pointe avancée d'une représentation du monde comme objectif et du sujet comme un sujet abstrait qui se représente ce monde. Et l'image est finalement de plus en plus détaillée, de plus en plus méticuleuse, de plus en plus objective, simplement la pointe avancée d'une culture parmi d'autres, à côté de laquelle il faudrait restituer l'image active, l'image puissante, l'image magique, l'image à laquelle d'autres cultures et peut-être nous-mêmes aussi prêtons une force vitale. Et peut-être ainsi faudrait-il relativiser cette définition de l'image. Mais le problème que pose cette approche, c'est le risque de relativisme de la conception de l'image. L'image est-elle simplement un effet de culture et donc variant dans sa nature profonde selon les histoires et les cultures de l'humanité? N'y a-t-il pas toujours, malgré ce côté artificiel de la ressemblance et de la représentation, n'y a-t-il pas toujours, malgré tout, un rapport venu des choses elles-mêmes? L'image est-elle seulement une construction subjective et culturelle? Ne vient-elle pas aussi du monde? Les images ne s'impriment-elles pas sur notre cerveau? Les images n'ont-elles pas aussi quelque chose d'objectif, au sens cette fois de vital? Nous gardons des images des choses avant de les restituer à travers notre culture. Peut-être que ce n'est pas la ressemblance objective, mais plutôt la force vitale de notre rapport au monde qui s'exprime dans des images qui peuvent être créatrices ou destructrices, qui passent ensuite par les cultures, qui nous reviennent sous forme de représentations, mais qui sont aussi issues des choses. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à télécharger, à podcaster sur l'application Radio France. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Carla Michel en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Antoine Ravon, Lila Bozès, Nicolas Berger réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la République de Platon, deuxième semaine, deuxième série d'émissions. Demain, nous serons au livre 7. On va descendre dans la caverne et comprendre ce qu'est cette allégorie de la caverne qu'on trouve au livre 7 de la République de Platon, en compagnie de la philosophe Monique Cantos-Perber. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions, les télécharger, les podcaster grâce à l'application Radio France ou d'autres plateformes, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous postons quotidiennement l'émission du jour. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.